eu eschivei la guardia. Si te mai infeci, fuc ciuma, vă demandau. Bella, bella, bella, bella, bella, bella. J'ai un foufou dans ma tête, c'est la baila. On va faire un redescend de la plaquette, oh ah ah. Tu me prends pour que je t'unique ta race et ouais, reviens là. On a le respect, tu sais c'est qui, ouais benga. Le visage de la fierté, donc c'est sûr tu le verras pas. Tourne vers le soleil, l'homme sera derrière toi. Chapeau de paille dans la cellule, les îles, on vise la même voix. Un peu de sable sur ta puta pour mes origines, t'es ahi.